franceinter.com. Nous sommes en direct d'Annecy. Let's go, Marco. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct d'Annecy, épisode 208. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 6 juin 2010, 11h05. Bonjour à toi l'ami et bonjour à toi Annecy! Avant tout cette semaine, tu as fichtrement la trouille que ton président finisse en tôle après cette sombre affaire de rétro-commission pakistanaise. C'est totalement faux. Ça fait que la pique la peau, ça tient pas une demi-seconde. Pourtant, le rapport de police a l'air accablant. Moi, je sais pas, je l'ai pas lu. Bah justement, vous refusez que les parlementaires français aient accès à cette enquête. Bah oui, mais c'est la procédure. Les parlementaires doivent demander l'accord du président de la République. On va l'appeler si vous voulez. Allô, moi-même ? Ça t'intéresse cette enquête ? Non, aucun intérêt. Ok, je transmets. Bon, bah, il s'en fout, il a autre chose à faire. Hein. C'est ennuyeux. Voilà, ce matin, l'ami, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, à l'occasion du 50e festival du film d'animation d'Annecy, voici pour toi un Barnum savoyard consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jeu d'un Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ouvrons donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous débuterons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous croiserons ce matin quelques appétits politiques voraces et insatiables. Dans la foulée, nous accompagnerons la suite impériale de Napoléon III lors de son voyage en Savoie il y a 150 ans. Ensuite, nous déambulerons clandestinement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA où nos joyeuses voix radiophoniques ont été kidnappées par un train fantôme à destination d'Annecy, un film d'animation sonore que nous ausculterons ici avec une attention pleine à ras-bord. Immédiatement après, nous n'irons pas à Grosboule-les-Bains puisque Monique et Jean-Claude nous ont accompagnés ce week-end pour profiter pleinement des doux plaisirs de ce lac tout près d'ici. Et puis, nous enchaînerons avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter et ce matin, nous t'offrirons la définition d'une feuille plastique transparente, le cellulo. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une curieuse mais authentique revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin et crois-moi, on est sacrément bien, le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique, au pied des alpages. Alors bien sûr, monte sévèrement le son, car voici AC/DC, Annecy soit-il, yeah! Thunderstruck, autrement dit abasourdi. C'était en 1990 l'état d'esprit du groupe Annecy DC, d'authentique classique, sidéré de voir à quel point le niveau baisse. ACDC, dites-moi que ça vous parle. Ne me dites pas que vous n'avez jamais écouté ces dieux. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vous enseignent dans ce bahut, hein? Alors, à 11h11, te voici confortablement vautré dans ton canapé ou bien affalé sur un fauteuil du musée château d'Annecy où la panique a installé son barnum ce matin afin de t'offrir les modestes péripéties laïques du Mangin Palace. Et comme il se doit, amorçons ensemble ce 208e épisode par la petite session freudienne de monsieur Divan Beaugelé, avec qui nous allons croiser tout de suite quelques voraces et insatiables appétits politiques. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Tout bon sommet international passe par la table. C'était donc dîner officiel hier à Nice en l'honneur de 38 chefs d'État et de gouvernement venus pour le sommet France-Afrique. Un maximum d'épices, ça donne soif. Et là, tout le monde était réuni. Et ce pouilly est excellent. Le chef de l'État a promis à ses invités de prendre des initiatives pour que l'Afrique pèse davantage au sommet du G8 que la France présidera, ainsi que le G20. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Zoltan. Zoltan. Je pense que ce sommet, avec les thèmes qu'on a mis sur la table, tourne la page d'une relation un peu complexée. Complexe et complexée. Mais le principe reste le même. Voilà. Bon, est-ce que ça va suffire? Ça s'improvise pas, il faut préparer l'exploitation. Est-ce que ça va vous faire évoluer, vous? C'est la question. Mais dites donc, faut pas vous gêner, vous. Je pense que ce sommet marquera en tout cas une étape. C'est ça. Allez, Philippe, on passe à l'histoire du jour, maintenant. J'adore les histoires merveilleuses. Ça se passe dans le train, un aller-retour Paris-Saint-Étienne que Martin Hirsch, hein, avant son entrée au gouvernement, effectue avec un grand industriel français. La prochaine fois, vous viendrez dîner à la maison. Vous goûterez mon caviar à la cuillère. Je sais que vous aimez ça. Il ne donne pas son nom. Martin Hirsch, pendant le trajet, lui explique qu'il est en train de monter son agence des nouvelles solidarités actives et qu'il est à la recherche d'argent, notamment privé. Alors ça vient, oui. Le grand patron l'écoute, mais ne lui propose à aucun moment de faire un don. Pardon ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Martin Hirsch repart à la charge en se demandant à haute voix pourquoi les riches en France donnent si peu aux associations caritatives. Réponse sidérante du grand patron du CAC 40. Non, je suppose que vous allez me prendre pour un sentimental, mais... Cher ami, c'est parce que les biens que les riches convoitent coûtent cher et augmentent encore plus vite que leur salaire. Les ventes à Drouot, dit-il, les montres de collection, l'immobilier. Les biens qui intéressent les gens fortunés connaissent, vous le savez, une forte inflation. Je vais les trucider, tous ces gros enfoirés. Calme. Cool. Pour éviter les guerres fratricides d'hier, le PS va mettre en place un système de primaire ouverte à toute la gauche. Ah oui, ça serait chouette. Alors qu'on parle déjà d'un ticket DSK Aubry Royal. C'est pas croyable. Ce qui énerve un peu Arnaud Montebourg. La vérité des primaires, c'est que c'est d'abord un champ libre. Faut vérifier tout ça. Ce sera un vote démocratique pour départager des candidats. Cela dépendra des acteurs. Demandez-leur. On se calme, l'ami. Bah, on n'arrête pas de le faire. Je ne suis pas dans le subconscient de Ségolène Royal, dans les arrière-pensées Dominique Strauss-Kahn ou dans l'hypothalamus de Martine Aubry. Celle-là, en revanche, on ne l'avait jamais faite. Voilà, puisque nous parlons de la prochaine présidentielle, il semble bien que Nicolas Sarkozy ait trouvé son candidat centriste de service pour y apporter ses voix au second tour. Messieurs, parlons net. Alors ce ne sera pas Hervé Morin, hein, peu crédible aux yeux du président de la République. Eh ben c'est du propre. Ni Jean-Louis Borloo qui lui enlèverait trop de voix UMP. Il reste donc François Bayrou qui s'est recentré à droite. Comme ça tout est clair, j'aurais dû m'en douter. Comme ça, tout est clair, j'aurais dû m'en douter. Et de ton côté, tu t'en doutes aussi, ce matin, nous allons te parler de la Savoie, puisque la panique est en direct d'Annecy, qui fait son festival. Et puis, cette année, nous commémorons le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. C'était en 1860, sous le Second Empire. Mais pour comprendre cette annexion, il faut se rendre en Italie, une année plus tôt, puisqu'en 1859, Napoléon III soutient le dessein des Italiens de construire leur unité contre les Autrichiens que les troupes impériales écrasent à Magenta, puis à Solferino. J'ai su que les troupes savoyardes, piémontaises et françaises ont pilé les Autrichiens à Solferino. Et c'est où, Solferino? Je sais pas. Un carnage, ça a été, Solferino. Une hécatombe de tous les côtés. Au soir, nos troupes achevaient les fuyards autrichiens dans les rizières. Le ciel et la terre étaient rouges. Ça va faire du bon engrais pour le riz. Cet engrais fut effectivement efficient pour le riz Risorgimento, qui conduit à l'unité italienne à laquelle contribue Napoléon III. Et en 1860, par le traité de Turin, confirmé par un plébiscite, la France reçoit en contrepartie deux territoires, Nice et la Savoie, où à l'été 1860, Napoléon III se rend en visite officielle. Et pour l'occasion, la panique s'est procurée une relation de ce voyage puisée dans les pages du quotidien Le Pays. Sache que le 23 août 1860, à 9h du matin, l'empereur et l'impératrice Eugénie quittent le palais de Saint-Cloud en chemin de fer. Ils passent par Dijon, puis par Lyon, et le 27 août, à 15h, le couple impérial débarque à Chambéry, très attendu par la population locale. Dis pas, qui c'est celui-là ? Tu ne le reconnais pas ? Oh, si je l'avais reconnu, je te demanderais pas qui que c'est. C'est l'empereur. Quel empereur ? Napoléon. Tu n'as jamais entendu parler de Napoléon ? Il a une drôle de tranche. Je t'interdis de parler ainsi de l'empereur. N'oublie pas que le beau-frère de ta cousine par alliance a une grand-mère maternelle corse. Nous ne sommes pas des descendants en ligne directe, certes, mais Napoléon, c'est tout de même un peu de la famille. On n'empêche qu'il a une drôle de tranche. Que je t'entende encore une seule fois une réflexion de ce genre et je te ramène immédiatement à la maison. Napoléon III poursuit Fissa son voyage sur les terres de la maison de Savoie, devenue territoire français, avec un passage à Aix-les-Bains, puis à Saint-Félix. Et le 29 août 1860, alors qu'il traverse un pont de pierre chevauchant le Chéran, l'empereur savoure le panorama dégagé sur la ville d'Annecy et s'écrie « Oh, quel beau pays !» Pourtant, si la Savoie, le cœur français du fond des vallées, monte le chant de ceux qui furent proscrits après le coup d'État napoléonien du 2 décembre 1851 et qui avaient trouvé refuge dans les Alpes au pays des Allobroges. Te salue, ô terre hospitalière, où le malheur trouva protection. D'un peuple libre arborant la bannière, je viens fêter la Constitution. Proscrit hélas, un membre de la France, j'ai pu passer chez vous de jour bien doux. Mais au foyer a reluit l'espérance, et maintenant je suis fier de vous. À l'ombre vaillant, dans vos vertes campagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur. De vos montagnes, je suis la liberté, la liberté. La liberté, telle qu'elle existe sous le Second Empire, est une notion toute relative offerte aux Savoyards. Bon, tu me diras, la Savoie avait déjà été française sous la Révolution et sous le Premier Empire. Et puis ici, on parle le français depuis assez longtemps, bien que lors de sa visite à Annecy en 1860, l'impératrice Eugénie eut du mal avec l'accent local. Pardon madame, c'est quoi la langue qu'on parle là ? C'est de l'allemand, du français, de l'espagnol ? C'est pas complètement siphonné vous ? Mais qu'est-ce que c'est que cette fada habillée en carnaval ? Et je travaille moi, hein ? Et j'ai pas que ça à faire à répondre à tous les cinglés qui passent, hein ? Je vous remercie madame. Au revoir madame. Et justement, au revoir, puisque l'empereur et l'impératrice, après avoir assisté à un tédéum à la cathédrale d'Annecy, puis à un grand dîner à l'évêché, ont droit à 21h à une petite promenade sur le lac. Selon le programme officiel, il est prévu que cette virée ne dure que quelques minutes, mais devant la beauté du spectacle, la sortie se prolonge de 2h aux grandes dames des policiers chargés de la sécurité de l'empereur. Il va sur le lac. Il est en train de louer une barque. Ouais, sur le lac. Qu'est-ce qu'il fout sur le lac ? C'est vrai, qu'est-ce qu'il fout sur le lac ? Qu'est-ce qu'il fout sur le lac ? Il rame. Ah oui, c'est ça, il rame. Il rame. Il rame. Il jette du pain au canard. Mais qu'est-ce que c'est que ce gugus ? Énorme promenade sur le lac, donc, pour le plaisir des bateaux et des canards. Le 31 août, à 9h du matin, Napoléon III et l'impératrice Eugénie quittent Annecy. Ils passent par la belle ville de Thonon et arrivent à Chamonix le 2 septembre. Le lendemain, à 5h30 du matin, le couple impérial se prépare pour vivre une excursion alors très en vogue, la visite de la mer de glace. Eugénie et Louis-Napoléon sont évidemment entre les mains de guides très compétents. Allez, tout le monde est prêt? Non mais attendez, j'arrive pas à fermer mon sac. Bon, tiens Louis, prends mon pull. Pourquoi moi? Bah parce qu'il te reste de la place. Bah justement, c'est calculé. Quoi calculé? T'as rien pris? Bah non. Bah tu parles d'un calcul. Bah non mais je connais mes limites, hein. Si mon sac est trop lourd, j'y arriverai jamais. Donc tu veux pas prendre mon pull? Ah non. Ah bah bonjour la solidarité. Bon bah écoutez, moi j'arrive pas à le fermer, alors je fais ça, je rabats le couvercle, les toques, on n'en parle plus. Ok, d'accord. Bon écoutez, on va essayer de démarrer en commençant doucement, hein. Merci. Allez, vous me suivez tous? Là, attends, moi je passe par là-dessus, hein. Non, oh. Non, et moi non plus, hein. J'ai plein de trucs à faire dans la vie encore, hein. Je vous dis qu'il n'y a pas de danger. Allez. Allez, sous la conduite de guides expérimentés et à dos de mulet, la petite troupe impériale rejoint vers 9h du matin la mer de glace. L'empereur est éberlué par la majesté du spectacle et l'impératrice, quant à elle, est l'objet d'une attention soutenue de la part de ses guides. Surtout pas oublier les oreilles, madame. Je vais vous dire, les oreilles, on les oublie tout le temps et c'est ce qu'il y a de plus important. Non, c'est vrai, elle a raison. Les oreilles, c'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, je vais en mettre au... Ah, monsieur, est-ce que vous avez bien fait les oreilles, monsieur? Ah non. Ah bah voilà, le problème, c'est à chaque fois ça. Les oreilles, c'est là où le soleil tape. Vous savez, je ne saurais jamais vous remercier de ce spectacle. Oui, et vous avez encore rien vu. Oui. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça fait surtout plaisir à ma femme. Ah oui, et elle a encore rien vu, votre femme. Effectivement, ce voyage est une succession d'aventures pour Napoléon III et Eugénie, qui se rendent les jours suivants à Bonneville, puis retournent à Chambéry avant de poursuivre ce voyage impérial qui les conduit dans le sud de la France, à Marseille, puis en Algérie. Pourtant, de toutes leurs visites, il est certain que c'est en Savoie que Napoléon III, son épouse et sa suite impériale ont rencontré le folklore le plus épatant. Mais que c'est joli! C'est un cachet fou chez vous! Moi, franchement, je rêve de faim. Oui, moi aussi, j'ai un petit creux. Bon alors, on le dit! Sentez comme ça sent le feu de bois. Qu'est-ce que c'est mignon chez eux. C'est propre. Mangerai par terre. Je suis sûr qu'il y a du jambon cru de montagne. Tu sais qui tue encore jambon cru eux-mêmes, hein? Ouais, moi j'ai tellement faim, je boufferais n'importe quoi. Mon Dieu, cette dentelle. Mais regardez-moi cette dentelle. La finesse du poing. Ah, non, ça c'est pas de la baguette, hein. C'est moi qui l'a fait. Bah félicitations, elles sont bien rondes vos miches. Ouais, bravo. Ah. Ah. Ça, c'est une recette du pays. Ah. Ça s'appelle la fougne. La fougne. On mangeait petit, tu vas venir un vrai montagnard. Like a Nickelodeon, loaded up with lots of tunes, paper moons, paper junes to go. Fill the basket to the brim. Till the lights are dim, set the stage and let the music flow. We're having a party, a picnic party. We're having a picnic party. Tell your neighbors, tell your friends, enemies to make amends. Everybody's getting in the groove. Shakti shakti, mana mana, sugar sugar, honey honey, lovey dovey, psychoelectric, popsadelic, picnic. The da-da and surrealist, sipping wine, tapping time, rubbing shoulders with the funky tribe. Mamas, papas, llamas too, freaks and geeks and kooks and crooks. Having a party, a picnic party. cherry in the bowl. Oh, we're having a party, a picnic party. We're having a picnic party. Yeah, we're having a party. Ba-da-ba-da-ba-ba. Picnic party, c'est le déjeuner sur l'herbe au bord du lac que nous propose la donzelle Bird Paola. Mais bon, méfie-toi des piques-assiettes qui viennent s'incruster. Ils vont sûrement déjeuner sur l'herbe. Les Parisiens, ça déjeune toujours sur l'herbe. Mon vieux, les Parisiens, c'est comme les microbes. Quand il y en a un qui se faufile quelque part, tu peux être sûr que 8 jours après, ça pullule. Du château d'Annecy nous indique qu'il est à présent 11h27, l'heure bien sûr de retrouver notre curieuse séquence consacrée aux actualités du lointain. Et figure-toi que cette semaine, les voix immortelles de la radiophonie française ont été propulsées dans une faille spatio-temporelle savoyarde. Ce voyage dans le passé d'Annecy fut épique, puisqu'on y croise pêle-mêle un vicaire du Christ en goguette, deux étranges cigarettes, une grosse croix métallique chouravée et une envolée de cloches célestes. Alors, tel un cartoon sous acide, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, Alina, nous avons été kidnappés par un train. Il avait 3 oreilles et 4 mains et tenait absolument à nous faire visiter son drôle de monde, fait de dessins. Annecy, Annecy, 40 minutes d'arrêt. Voiture sans chauffeur, s'adresser au bureau du télégraphe, quai numéro 1. Annecy Festival. Et en 1960, avenue à Annecy, le premier festival proprement spécialisé du film d'animation. C'est dans cette perspective que l'association a entrepris de nous présenter 2 œuvres de Jean-Pierre Rhin. L'une s'appelle Allumorphose, l'autre Défense de fumée. Eh bien ici, il ne s'agit plus de dessin. Dans l'un, ce sont des boîtes d'allumettes dont les petits bâtonnets de bois servent de base à d'amusantes fantasmagories. Mais l'autre est plus riche, plus subtil. Et c'est dans des décors suggérés en quelques traits qui nous fait vivre les amours brèves d'une cigarette d'homme avec une cigarette de femme à bout doré. Eh bien c'est cela l'animation. Mais un jour, à Annecy, le cinéma est sorti de l'écran et on a commencé à observer d'étranges déplacements d'objets. Une nouvelle curieuse qui nous parvient d'Annecy. En effet, on aurait volé la croix métallique du pic de Marcilly. C'est une croix qui pèse tout simplement 2000 kilos. C'est assez bizarre. Cela vaut de demander quelques détails à notre correspondant, Roger Lorenzi. Les montagnards qui levaient les yeux hier matin lorsque le soleil pointait sur les cimes du Mont Blanc ont été tout étonnés de ne plus y voir la croix du pic de Marcilly, une croix érigée à 2000 mètres d'altitude qui mesurait 10 mètres de haut et 4 mètres d'envergure. Elle pesait plus d'une tonne, c'est-à-dire exactement 1620 kilos. Cette croix a été retrouvée d'ailleurs hier matin dans une vallée et on se perd en conjectures sur les raisons qui ont poussé des inconnus au cours de la nuit du 26 au 27 à sectionner la croix du pic de Marcilly. Oui, bien notre étonnement reste complet en effet. Voyons ça. Les cloches des respectables fonderies Paccard ont décidé de se mouvoir. Excellence, le ciel est sans nuages sur Annecy aujourd'hui et la joie du ciel se reflète sur les ateliers Paccard. Je suis heureux de vous dire que dès 10h ce matin, Jeanne d'Arc, Germaine, Agnès, Marie-Blanche, Bernadette se mettaient en branle et se faisait entendre avec une parfaite harmonie. Alors, les plus grands spécialistes des phénomènes inexplicables se sont rendus sur place. Merci patron, comme le chantaient jadis les Charlots. Ce matin, sur les rives du lac d'Annecy, où s'étaient massées 80 000 personnes, le pape Jean-Paul II, qui boucle en ce moment même sa visite en France, a rendu hommage à Saint-François de Sales, le patron des journalistes, en profitant de l'occasion pour gentiment remercier la cohorte des reporters qui ne l'ont pas lâché d'une semelle 4 jours durant. Le temps nous a traités avec douceur semblable aux douceurs de Saint François de Sales. Je veux remercier tous qui ont participé, en même temps aujourd'hui spécialement, tous les journalistes. Je répète, soyez avec nous si doux, comme Saint-François de Sales. Le temps passait, les objets s'animaient, mais les journalistes avaient d'autres préoccupations. Bonsoir et bienvenue à Savoie Régional. Un avion vient de s'écraser dans les Alpes à quelques mètres de la piste de bobsleigh. La piste est intacte. On ignore encore s'il y a eu des victimes. S'il y en a, c'est dommage pour elle, car elle ne pourrait pas assister aux Jeux Olympiques d'Albertville. Bonsoir. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette ancienne randonnée annécienne et souhaitons au passage qu'Annecy décroche les Olympiades d'hiver de 2018. Pour l'heure, il est temps de prolonger nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, mais nous restons en Haute-Savoie. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors, avant tout, sache que notre Jean-Claude connaît très bien la douceur de vivre de cette bonne ville d'Annecy. Pourquoi ? Eh bien parce qu'adolescent, il venait ici tous les ans passer 15 jours au mois d'août chez son oncle, un notable de la région qui fut entre autres l'un des administrateurs de la fonderie des cloches Paccard. Et ça ici, crois-moi, c'est pas rien. Les souvenirs du Jean-Claude sont nombreux, et notamment il adorait bivouaquer sur les bords du lac sous le ciel étoilé d'une nuit d'été. Du coup, avec l'arrivée des beaux jours, Jean-Claude a proposé à Monique et leur môme de passer le week-end à Annecy pour profiter des plaisirs magiques de ce lac. Ainsi, toute la Smala est arrivée en train avant-hier, en fin d'après-midi. Et bien sûr, en tant que neveu de cet ancien administrateur des cloches Paccard, Jean-Claude et sa petite famille ont été accueillis par Monsieur le maire, Jean-Luc Rigaud, qui leur a offert une présentation très nouveau centre de sa ville et de sa région. Lorsque vous rencontrez sur les routes des voitures immatriculées 73-74, vous avez affaire à des Savoyards. Cet ancien duché de Savoie est devenu français assez récemment, puisque c'était seulement en 1860. Je vous souhaite à tous de connaître ces neiges éternelles qui font le bonheur des skieurs, mais aussi les lacs, les forêts, les pâturages et ces merveilleuses fleurs des Alpes, la passion des botanistes. Certes, mais bon, les fleurs des Alpes, là, Jean-Claude, il s'en fout. Lui, tout ce qui l'intéresse, ce sont les alentours majestueux de ce lac qu'il connaît par cœur à force de les avoir sillonnés en vélo avec sa cousine Martine. Cousine malheureusement aujourd'hui disparue. C'est pourquoi, lorsque Jean-Claude s'avance vers cette étendue d'eau claire, l'émotion dans sa voix est palpable. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour ? Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Oui, pour Jean-Claude, le souvenir de cette dame assise au bord du lac, c'est sa cousine, la Martine, qui parfois d'ailleurs lui apparaît en songe. Et figure-toi que dans la nuit de vendredi à samedi, elle s'est pointée dans son sommeil pour lui révéler qu'un danger menace le lac d'Annecy. Du coup, hier matin, Jean-Claude est retourné voir Monsieur le maire et son premier adjoint afin de les prévenir de ce présage mystérieux, ce cadeau empoisonné que venait de lui offrir sa cousine Martine. Néanmoins, après la visite du Jean-Claude, les deux édiles municipaux étaient plus que sceptiques sur cette apparition. Un cadeau de la dame du lac, il paraît. Alors celle-là, chaque fois qu'elle se pointe, le lendemain, craque, il faut se tirer à l'autre bout du pays pour récupérer une merde. Parce qu'elle est venue aujourd'hui ? La version officielle, c'est qu'il n'y a que lui qui peut la voir. Bon, la version à Bibi, c'est qu'il n'a rien de trop bien pour se rendre intéressant et pour nous faire bosser deux fois plus. Et quel rapport avec le fait que c'est sa cousine ? Mais il n'y a pas de cousine, il n'y a pas de dame du lac. Tout ça, c'est de la flûte. Ah bah si elle existe, qu'elle se montre. En attendant, c'est juste une combine de plus pour nous prendre pour des billes. Mais elle se montrera jamais, de toute façon. Elle est facilement impressionnée en société. Oui. En effet, il n'y a que Jean-Claude qui peut voir la dame du lac d'Annecy. Et d'ailleurs, à peine est-il sorti de l'hôtel de ville qu'elle se dresse face à Jean-Claude tel un spectre afin d'évoquer un souvenir de leur adolescence. Alors, quand est-ce qu'on fait un petit tour sur l'eau, matelot ? Oh, je sais pas comment on dit ça en langage de marin, mais jamais ! Pourquoi ? Parce que t'es qu'une méchante sur le bateau. Quoi ? Je suis désolée que tu aies cru que j'étais méchante, mais il faut que tu saches que c'était pas de la méchanceté. Mais moi, j'essayais juste d'être un bon professeur. Est-ce qu'un bon prof, ça dit, pose-moi cette bière, espèce de taré ? Mais est-ce qu'un élève studieux doit s'enfiler 7 bières au cours de sa première leçon ? 6 et demi seulement. Tu m'as violemment arraché la dernière des mains, t'as oublié? Ah oui, je ne voulais pas que tu te fasses assommer par la bombe. Mais je me suis tout de même cogné. Et j'aurais moins ressenti la douleur si j'avais pu finir ma bière. Bon, écoute, ça va, je te demande pardon. Je vais essayer de baisser un peu le ton et de plus hurler. Tu promets de ne plus me mener à la baguette? Je ne te mènerai plus à la baguette. Tu vas être gentille? Je serai gentille. Oui. Autrefois, Jean-Claude a beaucoup souffert de l'ascendant psychologique de sa cousine Martine. Cependant, avec cette apparition avenue d'Albigny, Jean-Claude comprend que sa dame du lac vient de lui délivrer un message codé. Il explique alors à Monique qu'il doit louer un bateau, car il s'agit sans doute d'une mission de la plus haute importance pour la survie du lac. Ainsi, Jean-Claude et Monique, perplexe maman, déboulent chez un annécien qui loue des voiliers à la journée. Vous avez déjà fait un stage de voile? Non. Vous êtes déjà monté sur un bateau de plaisance? Ah non, docteur. Oh, pardon. Enfin, t'aimes bien aller tout seul sur ta caravelle, partir loin? Une caravelle? Elle remonte à quand, cette caravelle? Mais on l'a achetée dans une station-service, alors c'est aucun rapport. C'est un gros bateau gonflable. Ben oui, bah, c'est... Ça n'intéresse pas forcément, monsieur. Oh, mais alors, bon, tâchons de nous résumer. Quel genre de bateau, en fait, vous cherchez? C'est alors que Jean-Claude aperçoit, sur l'étagère derrière le bureau de ce loueur de voilier, la maquette d'un petit bateau téléguidé. Aussitôt, il décide que cet engin motorisé fera très bien l'affaire pour répondre aux attentes de la dame du lac. Dans la foulée, Jean-Claude se rend au bord de l'eau, quai de la Tournette. Seulement voilà, une demi-heure plus tard, son fils Rémi constate qu'il y a eu un souci. Je peux t'aider, papa? Je crois que je peux m'en sortir. Je n'ai plus qu'à sécher l'intérieur de la coque. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai rien du tout. Juste un sale gosse qui m'a fait chavirer. Et tu comptes le laisser s'en sortir sans rien dire? Bon, c'est pas grave. J'irai jouer sur une autre partie du lac. Pour qu'il te fasse couler là aussi, faut pas te laisser faire. Tu m'as toujours appris qu'il fallait me défendre quand je me faisais attaquer. Je n'ai pas tapé sur un gosse de 10 ans. À moins que je le tienne pendant que toi tu le frappes. Non, papa. On va le battre sur l'eau. Avec quelques modifications, on peut rendre ce bateau imbattable. On va lui mettre un moteur plus puissant et puis mettre une lame en titane à la proue. Je te jure qu'on va lui couper en deux son rafio. On aura le temps de faire tout ça? Absolument. Je pourrais mettre un bonhomme tout en haut? Pourquoi pas? C'est dans des moments pareils que je peux dire qu'on t'a pas échangé à la naissance. C'est gentil, papa. C'est ainsi qu'hier après-midi, vers 16h, après avoir transformé son bateau téléguidé en navire de guerre et avec la ferme intention de couler le rafio de ce petit con, Jean-Claude fait quelques ronds dans l'eau pour se rôder à la télécommande. Quand soudain, à 50 mètres du rivage, c'est l'effroi et l'incompréhension. Le bateau téléguidé du Jean-Claude se fait littéralement découper en pièces. Mais avant que l'engin ne sombre totalement, Jean-Claude parvient, grâce à son téléphone, à prendre quelques photos de ce terrible naufrage. Et quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il a découvert ces quelques clichés. Ce fut la panique hier après-midi et immédiatement, Jean-Claude a convoqué de rechef le conseil municipal d'Annecy. Pour Jean-Claude, aucun doute, c'était bien là le message de la Dame du Lac. Je suis content que vous soyez tous là, j'ai quelque chose à vous montrer, regardez ça. On n'y voit rien du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Regardez bien, c'est un requin. Regardez la forme, regardez la bouche, les yeux. Vous êtes sûr que c'est un requin? Désolé, je ne vois que du noir. Mais oui, c'est vrai, on ne voit rien. Je vous vois venir, vous voulez me dire que je ne sais pas reconnaître un requin? Il n'y a rien là-dessus. Ce sont des plantes, de la boue, où l'objectif était sale. Sale mon cul. Et en plus, vous êtes grossier. Allons, allons, du calme. S'il vous plaît. Être calme avec lui? Nom de Dieu, vous pouvez écouter ce type, vous pouvez écouter ce qu'il raconte, et restez calme, vous. Vous avez fichu la panique sur une plage publique. J'affirme solennellement à tout le monde autour de cette table qu'il s'agit d'un requin. Et si je suis convaincu que c'en est un, c'est parce que j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Et j'espère que vous allez vous occuper de celui-là, parce qu'il est hors de question que je revive une telle horreur. Bon, ça suffit les conneries. Pour le conseil municipal d'Annecy, les seuls redoutables requins de la région, ce sont les banquiers suisses. Et les poissons du lac, eux, les ombles chevaliers, sont inoffensifs et délicieux. Mais Jean-Claude est têtu, et qui plus est persuadé que sa dame du lac jamais ne le tromperait. Ainsi, devant l'inaction du maire et de ses adjoints, Jean-Claude a décidé hier soir de débarrasser le lac d'Annecy de cet effroyable requin. Cela dit, pour finir, il n'est pas certain que Jean-Claude ait réellement sauvé la saison touristique d'Annecy. D'ailleurs, Monique et leur fille Elsa sont effrayées par les grands moyens déployés par Jean-Claude. Si on jette encore le moindre petit déchet dans ce lac, ce sera un cauchemar toxique. La situation est grave. On ne jette plus rien dans le lac. En tant que maire, je déclare l'état d'urgence. Bon, je sais que j'ai fait une boulette. Une grosse boulette. Une énorme! Pour que j'accepte de rester dans la même pièce que toi, j'ai besoin de savoir ce qui t'est passé par la tête quand tu ne m'as pas écouté et que tu as jeté ce silo dans le lac. Je sais pas quoi te dire. Je réfléchis pas, c'est tout. Je respecte ce qu'ils font, mais j'essaie de passer des journées pas trop dures jusqu'à ce que je me couche enfin près de toi. Oh. Je veux dire, oh. Maman. Oui, Trésor. Tu viens encore te faire embobiner par le plus gros baratineur de la planète. Bon, rassurez-vous, chers amis, le lac d'Annecy se porte très bien ce matin. Tout cela n'était que de la fiction, évidemment, en prévision de ce 50e festival du film d'animation qui s'ouvre ici à partir de demain. D'ailleurs, il est temps dès à présent à 11h41, toujours en direct de notre château, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, justement, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple est une feuille plastique transparente, à savoir le cellulo. Au passage, signalons que Matt Groening, le créateur des Simpsons, dessin animé culte dont nous venons d'entendre un extrait, sera présent lui aussi la semaine prochaine, accompagné des voix françaises d'Homer et de Marge, une rencontre sans doute exceptionnelle parmi tant d'autres. Mais revenons à nos cartoons et en compagnie de Monsieur Serge Bomberg, délégué artistique de ce merveilleux festival, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce qu'est le cellulo. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Quatre consonnes, trois voyelles. Cellulo. Un cellulo, en réalité, ça n'existe pas. C'est un mot qui a été mal recopié lors d'une émission que j'ai fait il y a très longtemps. Mais en fait, pour faire de l'animation, on utilise des cellos. Ce sont ces feuilles de rhodoïdes ou en tout cas de papier transparent sur lesquelles on dessine, image par image, certains éléments de ce qui sera le dessin animé à l'arrivée. Donc en gros, un cello, c'est une feuille de papier de plastique transparent. Dalwood passe. Walt Disney m'envoie. Il y a quelque chose que j'ai envie de comprendre. Annecy, c'est une ville très jolie, j'aime beaucoup, mais je ne connaissais pas... Enfin, quand je pense à Annecy, je ne pense pas film, et je pense encore moins film d'animation. Comment ça se fait que le festival se retrouve ici ? Aujourd'hui, Annecy égale animation. En 1960, ce n'était pas du tout le cas. L'équipe qui faisait l'animation au Festival de Cannes à la fin des années 50, ayant réalisé qu'il était impossible de rivaliser avec les mégastars qui montaient les marches du palais, ont décidé de se faire leur petit festival à eux. Nous étions en 1960, 59 en réalité. Ils vont voir, dit la légende, André Malraux, qui était ministre de la Culture à l'époque, qui ne sait pas très bien où ils pourraient faire leur festival d'animation. Malraux va voir De Gaulle au moment où De Gaulle est en train de régler les problèmes protocolaires liés à l'anniversaire, au 100e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Et De Gaulle dit « Quoi, un festival ? Bah, mettez-le à Annecy !» Voilà, ça c'est la légende, c'est comme ça que l'animation débarque à Annecy en 1960. J'ai trouvé, tu as été engagé par la mère Michel qui a perdu son chat, et toi tu vas l'aider à le retrouver. Moi, je suis très confiant parce qu'aujourd'hui, de l'animation, il y en a virtuellement partout. Il y a 20 ans, on disait « Oh, l'animation, c'est fait pour les petits films ». Aujourd'hui, Spielberg fait un Tintin en animation. Avatar, le plus gros film de l'histoire du cinéma, est un film en animation. Tous les blockbusters faits par Pixar, DreamWorks, les Shrek, etc. sont en animation. Et même les personnages, les Marvel comics, les King Kong, les Spider-Man, je vais vous faire un scoop, je crois qu'ils n'existent pas. Oh mon Dieu, il est mort. Oh, je l'ai tué. Tout Jésus, ne restons pas là, oh mon Dieu! Je ne savais pas qu'on pouvait tuer un personnage de dessin animé, je ne savais pas. Jamais je ne l'aurais frappé si j'avais su que je pouvais lui faire du mal. Il y a quelque chose qui m'étonne avec le Festival d'Annecy et qui me plaît au fond. C'est qu'en matière d'animation, il y a certes des mégastars, des gens extrêmement connus, mais on ne connaît pas leur visage. Ils peuvent se promener dans la rue sans bodyguard, sans escorte, etc. Il y a 2 ans à Annecy, quand Tim Burton est venu nous voir, il vient régulièrement. Le soir, il était dans les petits cafés de la ville avec des étudiants et ils buvaient des coups et ils parlaient entre eux. Dans combien de festivals on peut avoir ça ? C'est totalement impossible. Donc la réalité, c'est qu'à Annecy, moi ce que j'aime, c'est ce côté un petit peu en haut des montagnes, autour du lac, on est pas entre soi, mais enfin, on est dans un espace un petit peu protégé par cet incroyable paysage montagneux. Et qui c'est ton client, monsieur le détective des stars ? Où est l'île pingouin ? Ou l'écureuil fou ? C'est pas ringard alors l'animation ? L'animation, ringarde ? Mais c'est vous qui êtes ringard de poser une question comme ça. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Non, assurément, le cinéma d'animation n'est pas ringard. Loin s'en faut. Il suffit de jeter un œil sur le programme de ce festival d'Annecy pour comprendre l'élégance de cet univers. Dans les jours qui viennent, vont débouler ici le japonais Miyazaki, l'anglais Peter Lord et le français Sylvain Chomet, une sublime triplette. Et puis, attention, le cinéma d'animation n'est pas un genre mineur réservé aux enfants. Tiens, par exemple, hier soir, Serge Bromberg nous a fait une confidence. Il nous a dévoilé en exclusivité mondiale le film d'animation en 3D qui fera l'ouverture ici de l'édition 2011. Service à Provence, bonjour. Salut Omar, c'est Loco, ça va? Ça va et toi? Putain, tu connais pas la dernière nouvelle? Non. Ils m'ont appelé, le producteur cinéma. Oui. Pour faire un remake, un film en 3D. Oui. Avec qui? Qui? Ma bite. C'est vrai? Oui, t'imagines? On va la voir comme ça, en 3D, ma bite. Ce qui va arriver sur les gens. Ah, oh, c'est ma bite. Ça va s'appeler Avatar. La revanche. D'accord. Ah oui, et comment? Allez, ciao, pour. Ciao. On y va pour Dactylo Rock? Ouais. Alors attention, les gars. 1, 2, 3, 4. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez les Dactylo Rock. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta petite tête. Viva Peloula, viva Peloula. Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les dactylo-rap, digri-digri-di, dactylo-rap, digri-digri-di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta petite tête. Viva Peloula, viva Peloula. Dans tous les bureaux de bas en haut, les dactylos tapent à gogo, et leur patron leur dit go go. Ce sont les plus belles filles de Paris. Les dactylo-rap, digri-digri-di, dactylo-rap, digri-digri-di. Pour faire leur conquête, les directeurs battront la tête. Elles valent bien ça, elles valent bien ça. Dans tous les bureaux de Brazza, on chantera très bientôt le rock des dactylo-rap. Yeah. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle à vous. Digri digri di, dactylo rap, digri digri di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta petite tête. Viva Peloula, viva Peloula. Dactylo Rock, ce fut Monsieur Eddy et ses chaussettes noires qui, en 1961, étaient à la recherche d'une secrétaire qualifiée. Je trouve le service des petites annonces. Je cherche une secrétaire connaissant la dactylo et la sténographie. Et je voudrais aussi qu'elle ait une bonne connaissance de l'anglais. Demandez une fille de l'assistance publique, elles en ont vu d'autres et elles n'osent pas se plaindre. Eh bien, vivement dimanche, il est 11h49 et nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Manchin Palace ouvre son petit casque à journaux sévèrement fourni. Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons trois ou quatre fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin, bonjour à tous. On accueille Monsieur Mauduit. Allez. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Eh Philippe, vous vous en doutez, comme nous sommes à Annecy, je me suis plongé dans la presse locale, ce qui est un véritable plaisir, toujours, je dis vraiment sans ironie. Tenez, hier, j'ai été émerveillé en découvrant la politique éditoriale, presque subliminale, de la rédaction du Dauphiné Libéré, qui nous offre en appel à la une de son édition de samedi, ce titre, « Deux gendarmes blessés après un concert de rap », et aussitôt nous renvoie un deuxième article intitulé « Les entremonts dans la rue ». Philippe, vous comprenez la logique? C'est sublime. On passe subrepticement du concert de rap au fromage. Hey, c'est très malin, très cohérent surtout. Voilà. C'est bien parce que, vous voyez, avec ce rap au fromage comme ça, on pourrait imaginer que le Dauphiné Libéré passe du coq à l'âne. Enfin, du coq non, mais de l'âne si. Voilà. Alors Philippe, il faut te dire. Ouais, bah ouais, voilà. Avons-le, il faut dire que les salariés de l'entreprise Entremont sont sacrément inquiets puisque cette société, fondée en 1948 à Annecy, aujourd'hui installée un peu partout en France et notamment en Bretagne, va être achetée par un géant de l'agroalimentaire. Ces spécialistes de l'Emmental vont donc se retrouver dans une multinationale du fromage pour une grosse fondue sociale, un rapprochement industriel dont on souhaite qu'il ne fasse pas trop de ravages, quand, de son côté, le Dauphiné libéré souligne des rapprochements d'actualité qui, eux, sont opportuns. Toujours dans son édition d'hier, à la page 30. Ce quotidien nous présente trois héros félicités par notre président, c'est pas rien. Il s'agit de Majid, Samir et Yacine, âgés de 17 et 18 ans, qui le week-end dernier, à Tarare, près de Villefranche-sur-Saône, ont simplement risqué leur vie pour en sauver d'autres dans un incendie d'immeuble. Majid, Samir et Yacine, il est bon de rappeler leurs prénoms, ont vu de la fumée, ils ont appelé les pompiers, ils sont entrés dans le bâtiment pour faire évacuer les habitants, et ce, malgré le danger. Mais Philippe, toujours à la page 30, où le Dauphiné libéré nous raconte le sang-froid de ses ados, on trouve un article sur la condamnation de Brice Hortefeux pour injures racistes. Et oui, notre bon ministre avait déclaré en parlant des Arabes, quand il y en a un, bon, ça va, mais quand il y en a beaucoup, il y a des problèmes. Et bien Brice, là, ils étaient trois, ils ont sauvé des vies. Alors, c'est sûr, Phil, c'est ma fascination pour le désuet qui me pousse à être tout simplement horrifié à l'idée que la justice indépendante vient de condamner un ministre de la République pour injures racistes. Un ministre en exercice tient des propos jugés outrageants pour une partie de la nation, mais reçoit le soutien, l'amitié et la confiance du chef du gouvernement. Moi, j'ai juste des frissons. Peut-être parce que je ne perçois pas que la fonction de ministre de l'Intérieur contraint à démission difficile. Voilà. Et voilà. Bon. Pourtant, il est impératif de bien contextualiser les propos de Brice Hortefeux pour les comprendre. Quand il dit, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Mais peut-être parle-t-il du nombre d'élèves par classe que le gouvernement compte augmenter. Ouais. Voyez, peut-être ça. C'est ce que nous apprend, entre autres, Libération de mercredi dernier. Afin de supprimer des postes de profs, le gouvernement a l'intention d'augmenter le nombre d'élèves par classe, formidable pour dégrader des conditions de travail déjà pas terribles. D'autant que le bimestriel Capital Santé nous apporte des conseils judicieux sur la place du boulot dans notre vie, avec un article intitulé « La sève de boulot, un élixir de bien-être ». Eh ben, ouais, c'est rien que ça. Alors, Capital Santé nous apprend que les peuplades nord-européennes avaient pour habitude d'extraire la sève de boulot au début du printemps pour profiter de ses vertus formidables. Le boulot est recommandé pour lutter contre le cholestérol, la cellulite, les œdèmes et pour rendre toute la pureté à notre corps. Il en a besoin. Pourtant, Capital Santé précise que pour extraire la sève de boulot, il ne faut pas abuser. Écoutez bien, oui. Au maximum 5 litres seulement par arbre et par jour. Pendant 2 semaines, pas plus, sinon on épuise l'arbre, à l'instar du travailler plus qui épuise le travailleur. Alors Philippe, justement, j'ai essayé de comprendre le pourquoi de toutes les mesures récentes qui cherchent à transformer notre manière d'appréhender le boulot. C'est parce que le gouvernement, il s'ennuie. Ben oui, c'est ça. Alors, écoutez, au Conseil des ministres, ils ont instauré un jeu de mémoire qui a fait ses preuves lors des voyages scolaires et des colonies de vacances. Alors, le premier joueur lance un mot. Le deuxième en rajoute un autre. Et puis le troisième, ça va crescendo. Vous voyez. Donc, imaginez, c'est un peu comme ça au Conseil des ministres. Bon, le président, il arrive, il commence, il fait « Travaillez plus !» Ah, tout de suite, il fait « Travaillez plus pour gagner plus !» Ah ben, il y a Eric Burse. Il fait « Travaillez plus pour gagner plus pour travailler plus longtemps !» Ouais, allez. Travailler plus pour gagner plus et pour travailler plus longtemps dans des conditions de travail difficiles, rajoute Luc Chatel. Vous voyez comment ça va. Alors, le problème, c'est quand arrive le tour de Brice Hortefeux. Bah, le jeu s'arrête parce que d'un coup, il est dépassé parce que pour lui, les mots, tout ça, c'est comme les Arabes. Quoi. Quand il y en a un, ça va mort. Quand il y en a beaucoup, ça devient compliqué. Merci beaucoup, monsieur Mojui. Le kiosque referme ses portes. Fin du 208e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mange un Palace. C'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mojui, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Au platine, à la réalisation, il y avait ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Loutel. Merci beaucoup, Marco. À assister aujourd'hui à la technique de Patrick Henry, champion du monde de la console, et de Benoît Chapon, Yvan Charby, Alexandre Martin et Franck Malabry, de vrais professionnels de Radio France. Merci les gars, c'était parfait depuis 3 jours. Pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Bogelet, Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin, mais aussi merci à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires et à Alice Robinet, notre stagiaire, ainsi qu'aux documentalistes de l'INA. Ils sont tous là, on va les applaudir, hein, parce qu'ils sont là. Allez! Et puis, un clin d'œil spécial à toute l'équipe du Festival d'Annecy, parce qu'elle nous a réservé un très bel accueil, c'était nickel. Et enfin, merci à vous toutes et tous d'être venus aussi nombreux. Vous êtes formidables. Oui. Par ailleurs, vous retrouverez ici même le fou du roi de notre ami Stéphane Bern, vendredi prochain à 11h, même endroit, même heure, vendredi. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Blanchon et son crumble. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve dimanche prochain en direct de Paris. Mais avant cela, rendez-vous samedi dans notre cellule de dégrisement, toujours à 11h sur France Inter, avec quelques aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Merci beaucoup. Ciao.